إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 13 dans l'explication de Fadl al-Islam, le livre du Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, avec le charh du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et on est arrivé aujourd'hui à expliquer le point. On est dans le chapitre où le cheikh explique que les gens de bid'a sont plus dangereux, hein, et que c'est plus grave, la bid'a est plus grave que les grands péchés. Et on a cité quelques textes déjà, et maintenant on arrive à un verset que le cheikh a mentionné, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'est le verset 25 dans Surat An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Il y en a qui ont chaud, hein, aujourd'hui, subhanallah. Donc qu'est-ce que... Naam. Non, il a chaud, le frère. Donc le cheikh, il mentionne le verset 25 qui dit qu'ils portent donc au jour de la résurrection tous les fardeaux de leurs propres œuvres, ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent sans le savoir. Combien est mauvais le fardeau qu'ils portent, hein? Donc ils vont, en voulant dire qu'ils vont pas porter seulement leur péché à eux, mais ils vont porter le péché de tous ceux qu'ils ont égarés, ok, avec eux, sans connaissance, hein, sans le savoir. Donc, يعني, le cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit: وكذلك المبتدع يتحمل وزره ووزر من اقتدى به يوم القيامة لأنه قدوة يقتدي به الناس يظنون أنه على حق وأن فعله عمل طيب خصوصا إذا كان يدعو إلى البدعة ويحسنها فإنه يتحمل وزره ووزر من اقتدى به واتبعه هذا خطر عظيم وهو خطر البدع والمحدثات وكم من بدعة انتشرت في الناس يتوارثوها جيلا بعد جيل بسبب المبتدع الأول الذي اخترعها فيكون عليه نصيب من آثام كل من اتبعه أي عليه مثل أوزارهم فالمبتدعة يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة وأوزار الذين يضلون بغير علم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. نسأل الله العافية. Le cheikh dit que le mubtadi', c'est ainsi que le mubtadi', il va porter son péché à lui et le péché de tous ceux qui se sont basés sur son exemple jusqu'au jour de la résurrection. Tous ceux qui ont suivi son exemple jusqu'au jour de la résurrection. Pourquoi ? Parce qu'il a été un exemple Et les gens l'ont pris comme un modèle, les gens l'ont pris comme un exemple, et ils croyaient qu'il était sur la vérité, hein, et que son action était bonne. Et en particulier, si cette personne invite les gens à la bid'a et mentionne que c'est quelque chose de bien, donc il aura la charge de son péché et la charge de tous ceux qui l'ont suivi et qui l'ont pris comme exemple. Hein? Et ça, c'est un grand danger. Parce que là, t'imagines, t'arrives au jour de la résurrection, t'arrives au jugement dernier, hein? Avec tous tes péchés à toi déjà, que déjà c'est trop, t'aimerais pouvoir ne pas les avoir, et tu retrouves qu'en plus de ça, on te rajoute les péchés de tout le monde qui t'ont suivi dans quelque chose de mal que t'as fait. Que ce soit un péché ou une bid'a ou des choses de ce genre. Tu as été un mauvais exemple, les gens t'ont suivi, à cause de ça, tu portes le péché de ça. Donc c'est grave. Hein? Et donc, le cheikh il dit, ça c'est quelque chose de très dangereux. Et effectivement, c'est quelque chose de très dangereux. Et ça c'est le danger des bid'a et des innovations et des inventions dans la religion en particulier. Parce que c'est quelque chose que les gens, comme on l'a dit hier, c'est quelque chose que les gens ils se vantent de ça. Ils appellent les gens à ça, ils trouvent que c'est quelque chose de bon. Donc, il dit combien d'innovations se sont propagées parmi les hommes et les gens ont hérité cette innovation et cette bid'ah génération après génération à cause du premier innovateur qui l'a inventé. Donc, il aura une part des péchés de toute personne qui l'a suivi. C'est-à-dire, il aura la même charge à porter qu'eux. Donc, le mubtadi', il porte la charge sur ses épaules en entier au jour de la résurrection pour son péché et pour sa bid'a, et il porte également la charge de tous ceux qu'il a égarés sans le savoir, et comme est mauvais ce qu'ils ont comme charge. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger, de nous pardonner et de nous épargner de ce genre de choses. فهذا فيه التحذير من البدع وأنه يلحق صاحبها إثم كبير أكبر من إثمه في نفسه بل كل من عمل بهذه البدعة فإنه يلحق صاحبها الأول إثم من عمل بها ولهذا جاء في الحديث ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل لأنه قتل أخاه ظلما وعدوانا فهو أول من سن القتل ولذلك كل من قتل نفسا بغير حق يلحق ابن آدم الأول كفل أي نصيب كبير من دمها والعياذ بالله. Qu'est-ce qu'il dit ici le Cheikh Al-Fawzan? Il dit que c'est pour ça que l'avertissement contre les innovations, c'est pour ça que dans ce verset, il y a un avertissement contre la bid'ah. Quelqu'un, il lirait ce verset-là à première vue, s'il comprend pas correctement, il va pas penser à mettre la bid'ah dans l'explication de ce verset. Et pourtant, c'est quelque chose qui rentre dans la compréhension de ce verset clairement, parce que justement le mubtadi', hein, il a la charge de tous ceux qui l'ont suivi comme péché. Donc non seulement le cheikh il dit, non seulement on va lui remettre un grand péché qui est son péché à lui pour avoir fait ces erreurs là et pour avoir fait ces innovations là mais il aura en plus le péché de tous ceux qui ont agi selon cette bid'a. Donc ça va, si c'est lui le premier qui l'a fait, eh bien il aura la charge de tous ceux qui l'ont suivi, même si ça fait des siècles. Donc ça veut dire, si quelqu'un par exemple dans les années 1400 dans les années 400 Hijri, quelqu'un a inventé quelque chose, puis on est aujourd'hui en 1431, 1432, quelqu'un a continué à le faire, ou des gens ont continué à le faire jusqu'à aujourd'hui, eh bien ça se multiplie les péchés pour lui, ça continue jusqu'au jugement dernier, tant qu'il y a des gens qui continuent à le suivre dans le mal et dans la bid'a. Et... ici, après avoir compris qu'il avait fait une innovation, il s'est repenti, puis il a corrigé son erreur. Là, dans ce cas-là, il est innocent de cette innovation-là. Et c'est pour ça qu'il faut faire circuler et propager justement sa repentance et sa correction de ce péché-là pour réfuter ceux qui vont essayer de l'utiliser comme un exemple, comme une référence dans cette innovation-là en particulier, pour que les gens sachent que il est innocent de cette innovation-là, puis que les gens ne se basent pas sur lui pour faire cette innovation, pour éviter justement qu'il ait ces péchés-là. Et c'est pour ça que souvent on explique et on dit que lorsque des ulama réfutent d'autres ulama dans une innovation ou dans un péché qu'ils ont commis, en réalité c'est pour leur bien. C'est pour faire en sorte justement que des gens cessent de les suivre dans ces innovations-là et dans ces péchés-là, pour diminuer ces péchés hein, au jour de la résurrection. Donc c'est un bien pour eux. Et il y en a qui pensent au contraire que lorsqu'on les réfute et lorsqu'on montre leurs erreurs, c'est quelque chose qui est dénigrant pour eux ou que c'est pour les rabaisser. Alors qu'au contraire, c'est pour les éloigner, les protéger et éloigner d'eux justement les fautes et les péchés que les gens pourraient faire en les suivant et que les gens pourraient prendre comme exemple et pourraient les suivre dans ces erreurs-là ou dans ces péchés-là. Donc le cheikh il dit ensuite, c'est pour ça qu'il y a le hadith qui mentionne, hein, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui dit que, il n'y a pas une personne qui tue une autre personne injustement, excepté que le premier fils d'Adam aura une part de son sang. Il aura une part de son sang. Donc ça veut dire que le premier qui a fait le meurtre, c'est le premier fils d'Adam. Hein? Les deux, ils ont eu un conflit ensemble, puis il y en a un qui a tué l'autre. Donc, toute personne qui tue une autre personne injustement jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, eh bien, le fils d'Adam aura une part du péché et une part, de son sang à cause de ça. Donc imaginez comment c'est sévère, comment c'est grave. Hein? Il a fait un péché, tous ceux qui ont commis le même péché après ont une part de cette... il a une part de leur péché avec eux, imaginez. Subhanallah. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui a fait un meurtre. Il a tué son frère injustement. Et c'est le premier donc qui a amené cette mauvaise exemple, cette mauvaise action. Après, le cheikh il mentionne un autre texte. Il dit wa fi sahih, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit wa fi sahih annahu sallallahu alayhi wa sallam qala fi al-khawarij ayna ma laqitumuhum faqtuluhum. Donc c'est comme si, subhanallah, le cheikh Al-Fawzani donne l'exemple avec le fils d'Adam, le premier qui a tué, puis là il donne cet exemple du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne dans un hadith sahih le hadith des khawarij, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit peu importe où vous les trouvez, tuez-les. Hein? Donc c'est comme pour dire que ces gens-là parmi les khawarij, ils ont cette bid'a. Ils rendent le sang des musulmans halal. Ils rendent le sang et les biens des musulmans halal. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de les combattre, hein, et de les tuer. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ali ibn Abi Talib. Et le cheikh Al-Fawzan explique ça maintenant. Il dit « وَمِنَ الْبِدْعِ الْمُسْتَقْبَحَ بِدْعَةُ الْخَوَارِجِ وَالْخَوَارِجِ هُمُ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ عَلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ ولاة أمور المسلمين فيخلعون السمع والطاعة ويخرجون عليهم ويكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك وهؤلاء هم الخوارج، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وكف شرهم والقضاء على بدعتهم، لأن السنة والشريعة يحثان على السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة، واجتماع الكلمة وحقن الدماء والحكم بالشريعة وإقامة الحدود والجهاد وغير ذلك من المصالح العظيمة. فإذا انتقص الأمر ضاعت هذه المصالح، وانتشرت الفوضى، وسفكت الدماء، ونهبت الأموال، وانتهكت الأعراض، وعطلت الحدود، إلى غير ذلك من الأمور. فالاجتماع والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فرض على المسلمين من أجل قيام مصالح الدنيا ومصالح الدين ومصالح الدين. لشيخ الزكلي بدع المستقبحة parmi les bid'a qui sont parmi les plus laides, il y a la bid'a des khawarij. La bid'a des khawarij, les khawarij, ce sont ceux qui sortent et qui se rebellent contre les responsables des musulmans, contre les dirigeants des musulmans, et qui enlèvent leurs mains retirent leurs mains de l'obéissance et de l'écoute. Yakhla'un as-sam' wa at-ta'a. Ils refusent d'écouter et d'obéir aux dirigeants. Et qu'ils sortent contre les dirigeants avec l'épée pour les combattre, pour combattre les dirigeants. Et ils déclarent les musulmans mécréants à cause des grands péchés qu'ils commettent, qui sont moins graves que le shirk. Donc ils déclarent les musulmans kuffar pour des péchés. Et ceux-là donc, ce sont les khawarij. Ce sont eux les khawarij. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de les combattre et de les arrêter de faire le mal et de les stopper dans leurs innovations, parce que la sunna et la sharia viennent nous inciter au contraire à écouter et à obéir aux dirigeants, parce que le fait de les écouter et de les obéir, ça amène des conséquences qui sont positives et des bienfaits énormes, comme le fait que les musulmans seront unis dans leurs paroles, que leurs saints seront protégés, qu'on jugera selon la charia, qu'on va établir les punitions islamiques et le combat et la lutte dans le sentier d'Allah, le djihad, ainsi que d'autres parmi les grands bienfaits. Et tandis que si on cesse d'écouter et d'obéir et qu'on annule ça, alors on perd tous ces bienfaits-là. Et ça fait que le chaos et le désordre dans la société se propage, et que le sang se met à couler, le sang des innocents se met à être répandu, et les biens ne sont plus respectés, c'est-à-dire que les gens vont se faire voler ou vont se faire prendre leurs biens injustement, et également l'honneur des gens ne sera plus respecté aussi. L'honneur des gens ne sera plus respecté, c'est-à-dire les femmes vont se faire violer, les femmes vont se faire harceler et agresser dans les rues, parce qu'il n'y a plus personne qui peut établir la justice et l'ordre à cause du fait qu'il n'y a plus de dirigeants. Donc ce sera la loi de la jungle, le plus fort qui va se donner tous les droits, se permettre de faire ce qu'il veut. Et également ça fait en sorte que les peines ne sont plus appliquées lorsque quelqu'un commet un crime, ainsi que beaucoup d'autres parmi les méfaits du fait de ne pas écouter et de ne pas obéir et de ne pas se réunir autour du dirigeant. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc le cheikh il dit que donc le fait de se réunir autour du dirigeant et d'écouter et d'obéir aux dirigeants parmi les musulmans, ça c'est une obligation pour les musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Et ça c'est en fait c'est dans le but d'établir les bienfaits dans la dunya et dans les bienfaits qui ont rapport avec la religion. Il dit amma man kharaja an hadha faqad ibtada'a fi dinillah ma laysa minhu wa in kanu yadhunnuna annahum yunkiruna al-munkar wa yujahiduna fi sabilillah fa innahum fil haqiqah مبتدعة وخارجون عن شرع الله عز وجل، والذي ارتكبوه من المنكر أشد من المنكر الذي يزعمون أن ولي الأمر فعله أو الذي وقع منه بالفعل، فإنه حتى لو كان فعله فإنه حتى لو كان فعله فالخروج عليه أشد مفسدة من مفسدة ترك الإنكار عليه علانية. فيجب السمع والطاعة. Le cheikh il dit que celui qui s'est rebellé contre le dirigeant, alors il a innové dans la religion d'Allah ce qui n'en fait pas partie. Il a innové dans la religion d'Allah ce qui n'en fait pas partie, et il s'imagine qu'ils sont en train de dénoncer le mal ou de faire le djihad fi sabilillah, alors qu'en réalité ils sont en train de faire une innovation et ils sortent de la sharia d'Allah, hein, parce qu'ils ont commis comme méfait. Parce que le mal qu'ils font est plus grand que le mal qu'ils veulent changer, et ils s'imaginent que ils sont en train de faire le bien. Ils sont en train de faire un mal plus grand que le mal qu'ils veulent changer et qu'ils prétendent que le chef d'État ou que le dirigeant a commis ce mal, hein, ou ce péché. أو الذي وقع منه بالفعل، ou bien qu'il pense qu'il l'a commis ce péché-là, ou il pense ou il l'a commis réellement. Mais le mal que eux ils veulent, le mal qu'ils font en changeant, en voulant changer ce mal, eh bien il est plus grand que ce mal-là lui-même. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ça leur mentalité, c'est ça leur idée. Soit qu'ils l'aient pris des gens de bid'ah, ou qu'ils l'aient pris des kuffars. Mais il y a cette tendance ou cette idée aujourd'hui d'opposer le dirigeant. C'est comme une sorte de mode même, on dirait, chez les jeunes, en particulier chez les jeunes, de toujours vouloir opposer le pouvoir. Hein. Et de toute façon, comme les ulama ont expliqué dans plusieurs cours, il n'y aura jamais un gouvernement parfait. Donc, à chaque fois, il y aura quelqu'un qui va toujours commencer à se plaindre de quelque chose qui ne marche pas comme il faut. Et même s'ils réussissaient à faire leur rébellion ou leur révolte, et qu'ils prenaient le pouvoir à la place, quelqu'un va venir après ou les critiquer eux, en disant qu'eux ils n'ont pas appliqué la justice correctement, puis qu'ils ont des fautes et des erreurs. Et donc ça c'est un cercle vicieux qui n'arrête jamais. Hein? Et la seule manière de régler ce problème-là, c'est de retourner à l'exemple et aux ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous ordonne d'écouter et d'obéir aux dirigeants. Donc, le cheikh, il dit ensuite que même si ce dirigeant-là, il a réellement commis ce péché, le fait de sortir contre lui, c'est plus grave que c'est un désordre plus grand que le désordre de ne pas dénoncer le mal qu'il fait publiquement ou ouvertement. Donc c'est obligatoire d'écouter et d'obéir. وأول بذرة الخوارج كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ذو الخويصر للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. فلما ذهب الرجل قال يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. وفي رواية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد الأمة المعروفة وهم قوم هود وقد قتلهم الله شر قتله بأن صلت عليهم الريح العقيم تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. تنزع الناس أي تحمل الناس إلى عنان السماء ثم تنكسهم على رؤوسهم فتندق أعناقهم ولكبر أجسامهم كأنهم أعجاز نخل أي جذوع النخل المجتث لأن لهم أجسادا كبيرة طويلة. الشيخ الدي que la première semence des Khawarij, elle est venue à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, vous les avez aujourd'hui, là, les Khawarij. Pensez pas que c'est une secte qui existe plus, que c'est fini. Vous en avez aujourd'hui des gens qui ont ces idées-là, qui prêchent ces idées-là, qui appellent à ces idées-là. Ils le disent pas devant les gens, parce qu'ils savent que c'est des idées dangereuses. Et un des tabi'in parmi les ulama, qui était aussi un des dirigeants de la Umma, qui s'appelle Omar ibn Abdul Aziz, hein, il disait, si vous voyez des gens qui se parlent, qui se réunissent en privé pour parler des choses qu'ils disent pas en public devant les gens, que les gens ordinaires ne parlent pas, sachez qu'ils sont en train d'établir un égarement. Donc ça veut dire que quand vous les voyez, ces gens-là, ils se réunissent en secret, ils parlent entre eux de ces choses-là, mais ils ne seront jamais capables de parler de ça en public. Et quand une fois j'en ai trouvé un d'entre ces gens-là justement, et que j'ai voulu discuter et débattre avec lui sur ces questions-là, je l'ai invité à venir à la mosquée pour s'asseoir avec les frères et de discuter ensemble. On va amener les arguments et clarifier les choses. Il a refusé et il a dit, mais pourquoi tu veux que ce soit devant les gens, et pourquoi tu veux qu'il y ait des personnes autour? Parce que s'il y a personne, il peut se faufiler, il peut mentir, il peut déformer la réalité, il peut cacher des choses. Tandis que s'il y a des témoins, s'il y a des gens, eh bien là, tout le monde va savoir. Et lui, ce qu'il veut pas, c'est que les gens sachent ses idées. Il veut que ses idées soient entre ses amis proches qui le connaissent. Hein? Et donc, ça, c'est pour la raison pour laquelle ces gens-là, ils parlent en privé. Ils savent que c'est des idées contraires au Coran et contraires à la Sunna. Et même s'ils essaient de se convaincre eux-mêmes que c'est des choses qui sont en accord avec l'islam et en accord avec la Sunna, ils ne sont pas capables de les dire ouvertement. Et qu'est-ce qu'ils essaient de faire? C'est de convaincre des gens faibles, qui n'ont pas d'ilm, qui n'ont pas de base dans l'islam. C'est eux qu'ils veulent convaincre. Et c'est eux qu'ils veulent attirer. Mais s'ils étaient vraiment aussi courageux et aussi forts qu'ils le prétendent, pourquoi ils ne vont pas rencontrer les ulama? Pourquoi ils ne vont pas s'asseoir avec les chouyours de l'islam et les ulama de l'islam? Allez s'asseoir avec eux et discuter avec eux et leur demander est-ce qu'ils sont d'accord avec leurs idées. Hein? Pourquoi ils ne vont pas voir Cheikh Al-Fawzan? Hein? Aujourd'hui, pour aller lui poser les questions, pour dire, Cheikh, est-ce que vous êtes d'accord avec nous? On dit que tous les dirigeants sont koufars. Est-ce que tu es d'accord avec nous dans ça? Pourquoi ils vont pas demander aux autres parmi les ulama de l'islam aujourd'hui? Parce qu'ils connaissent la réponse. Et eux, c'est pour ça qu'eux, ils se réfèrent pas à des ulama qui sont vivants. La majorité d'entre eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est, ils essaient de citer les paroles des grands imams qui sont morts dans le passé, parce qu'ils peuvent jouer avec leurs paroles et essayer de les interpréter. Mais les ulama qui sont vivants, ils ne peuvent pas faire ça, parce que du moment qu'ils disent quelque chose, on a juste à demander au cheikh, il est là. Cheikh, est-ce que tu dis ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que qu'est-ce qu'ils disent, c'est ça? Et cheikh, tout de suite, il va dire non, qu'est-ce que vous dites, c'est pas vrai. Hein? Donc tu en vois parmi eux, par exemple, qui vont citer Cheikh Abdul Aziz al-Cheikh, ou d'autres qui vont citer Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi, ou qui vont citer par exemple d'autres parmi les ulama, et ils citent certaines fatwas bien spécifiques où il y a une parole qui semble assez générale pour impliquer ce que eux veulent dire. Et ils disent, bon, regardez, le Cheikh il a dit ça. D'accord, on prend un billet d'avion, on s'en va à Riyad, toi et moi, on va s'asseoir devant le Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi, ou Cheikh Abdul Aziz al-Cheikh, et on va lui poser la question précisément sur cette question en détail. Et on va voir s'il est d'accord avec toi que tous les dirigeants des musulmans sont tous des koufars. Est-ce qu'il va dire ça? Hein? Est-ce qu'il va dire ça? Donc, ils savent très bien qu'il ne va pas dire ça. Et eux, c'est pour ça qu'ils commencent par la suite à faire le takfir des dirigeants. Ils vont dire, ah, mais c'est takfir des ulama. On dit, ah, mais ces ulama-là, ils sont payés par le gouvernement, ils sont des agents du gouvernement, ils sont des ci et ça, hein. Donc ça, c'est la preuve que ce sont des gens qui sont des menteurs. Ils ne disent pas directement ce qu'il pense et ce qu'il croit. Il le cache. Et ils prétendent utiliser les paroles des ulama pour essayer de justifier certaines de leurs positions, alors qu'en réalité ils sont contre ces ulama-là, ils les déclarent même des kuffars. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux. En réalité, le vrai savant pour eux, c'est celui qui est d'accord avec leur passion. Et le savant qui contredit leur passion, pour eux, c'est un faux savant, c'est pas un savant pour de vrai. Donc quand on leur demande c'est qui vos savants qui sont vivants aujourd'hui, et que les gens aujourd'hui les connaissent, et quand ils ont une question, ils retournent vers lui pour clarifier cette question-là. C'est qui ce alim parmi les ulama qui est d'accord avec vos positions et vos idéologies aujourd'hui? Et ils n'en ont pas. Et ceux qu'ils vont citer comme exemple, ce sont des ignorants, des gens inconnus, des gens que la majorité des musulmans dans le monde entier ne connaissent même pas. Et qui ne sont même pas connus comme étant des gens qui ont étudié avec les savants. Hein? Donc c'est ça le malheur de ces gens-là. Donc le cheikh, il dit, la première semence des khawarij, c'était à l'époque même du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle est apparue dans les paroles d'un individu qu'on appelle Zul Khawaisira. Hein? Il est venu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam puis il lui a dit: sois juste parce que tu n'as pas été juste. Alors le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: malheur à toi, et qui va être juste si moi je ne suis pas juste? C'est-à-dire c'est lui qui est venu pour établir la justice sur la terre et qui est venu pour juger selon la loi que Allah lui a révélée. Si lui il n'est pas juste, qui va être juste après lui? Hein? Donc il dit, lorsque cet homme est parti, il a dit à son sujet, de la descendance de cet homme, il y aura des gens qui vont apparaître et vous allez mépriser leur prière, votre prière à leur prière. Vous allez mépriser votre prière à leur prière, c'est-à-dire leur prière, quand vous allez voir leur prière, vous allez mépriser votre prière à vous. On a dit, notre prière, elle vaut rien. Par rapport à la prière de ces gens-là, ils prient beaucoup. Ils prient des prières longues, hein, concentrées. Et quand vous allez voir leur adoration, vous allez mépriser votre adoration. Et pourtant, ils sortent de la religion comme une flèche sort de son arc. Hein, ou sort de l'arc qui tire à cette flèche. Et il y en a qui ont expliqué parmi les ulama que c'est cette flèche, en fait, elle traverse sa proie tellement rapidement que quand elle a traversé, il n'y a aucune trace de sang, hein, il n'y a rien dessus. Elle est traversée tellement rapidement, c'est qu'en voulant dire ils ont traversé à travers l'islam, mais ils n'ont rien profité de cette religion-là. Ils n'ont rien compris de cette religion-là. Et c'est ça la réalité de ce qu'on observe aujourd'hui de ces jeunes-là. Tout ce qu'ils ont dans leur religion, tout ce qu'ils ont dans leur tête de la religion, c'est le takfir. Et de tuer les gens. Et de combattre les dirigeants et de se rebeller. La seule chose qui les... C'est comme une obsession dans leur tête. Une fixation, une maladie. Hein? C'est comme on a dit dans les cours derniers, c'est comme une genre de rage. Comme s'ils ont été mordus par un chien enragé. Et ça les a complètement absorbés. Maintenant, ils ne pensent que à ça. Hein? Et donc, quand ils parlent de quelque chose de la religion, pour eux, c'est quoi? C'est parler de ça. Et on va parler contre les dirigeants. Viens, on va parler contre les tawarites, comme ils disent. Hein? Et c'est ça leur passe-temps. Donc, le cheikh, tous les autres chapitres de ilm, hein, le tawhid, et l'explication des détails de la aqidah d'Ahl Sunnah, et les explications des dangers de l'égarement et des bid'ah. Ça, ils en parlent jamais. Tout ce qu'ils passaient, une seule question: takfir des dirigeants et la politique. Hein? Et les questions de tahara, les questions de salat, de zakat, de hajj, jeûne, les questions qui ont rapport avec le fiqh, hein, les ahkam et toutes les autres questions, usul al-fiqh, ilm al-hadith, hein, qawa'id fiqhiyya, toutes ces questions-là, al-nahu, l'oura l'arabie, tout ça, ils n'en parlent jamais. Que de ça. Donc, c'est comme s'il n'y a rien qui existait que ça. Alors que quand tu regardes les ulama de l'islam, quand ils écrivent des livres, quand ils expliquent des livres, quand ils expliquent des choses, quand ils parlent de la religion, quand ils enseignent la religion, est-ce qu'ils se concentrent uniquement sur une question, par exemple, de dire on va juste parler, par exemple, des dirigeants, puis du kufr? que eux, les dirigeants, c'est des koufars. Est-ce que tu les vois qu'ils vont juste se concentrer sur ça, puis faire des cours et des cours et des cours, juste parler de ça? Non. Donc, pour, tu vois, quand tu écoutes les ulama, tu vas t'asseoir dans un dars, il va parler des règles du jeûne, il va parler des règles du hajj, il va parler des règles du commerce, il va parler des règles du, hein, du mariage, il va parler de aqida, de tawhid, ar-rububiyya, wal-uluhiyya, wal-asma al-sifat. Eux, non. C'est juste tawhid al-hakimiyya. Al-hakimiyya, al-hakimiyya. Les dirigeants, le gouvernement, les lois, hein, ah, ils ne jugent pas par la loi, ils font telle loi, ils font telle loi, c'est tout. Que ça. Donc ça, c'est la maladie du siècle, comme on dit. Hein? Et ça, c'est la voie des Khawarij. Ok? Donc, le Tawhid, ils n'ont rien compris dedans. Ils n'ont compris qu'une chose, et cette chose-là, ils ne l'ont même pas bien compris. Alors, c'est ça le malheur. Le Cheikh, il dit, donc, il quitte la religion. C'est pour ça qu'il y a des ulama qui ont fait le takfir des Khawarij. Parmi les ulama d'Ahl Sunnah, il y en a qui ont déclaré que les Khawarij sont des kuffars. Parce qu'ils rendent le meurtre halal. Ils rendent le sang et les biens des musulmans halal. Et ça, rendre quelque chose qui est haram, tu le rends halal, c'est kuffre. Donc, eux sont les premiers à parler de hakimiyya. Et à dire qu'on ne doit pas juger selon ce que. On ne doit pas juger selon une autre loi que la loi d'Allah. Puis on ne doit pas rendre haram ce qui est halal, et eux c'est les premiers à rendre halal ce qui est haram, c'est-à-dire de tuer et de rendre le sang des musulmans halal. Ils le rendent halal alors que c'est haram. Ça c'est un kufr en soi, et c'est pour ça qu'il y a certains parmi les ulama qui ont déclaré que c'était des kuffars. Toutefois il y en a d'autres parmi les ulama qui les ont excusés à cause de leur shubuhat ou des choses de ce genre, mais ils ne les ont pas considérés comme étant des kuffars. Et ça, c'est la majorité. Wallahu a'lam. Après, le cheikh, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je les aurais rencontrés, et non, il a dit, peu importe où vous les rencontrez, tuez-les. Bien entendu, ça, ça ne veut pas dire que tu les vois dans la rue, tu les tues, hein, comme certains pourraient s'imaginer. Hein, ça y est, il a vu, ah, toi, t'es un khawarij, ah, je te tue. Non, c'est pas comme ça. C'est avec, bien entendu, c'est le dirigeant qui va s'occuper de les combattre si jamais ils se sont réunis ensemble puis qu'ils ont une force militaire et puis qu'ils attaquent les musulmans. Là, le dirigeant musulman va ordonner de les combattre. Hein? Ben en fait, alhamdoulilah, qu'est-ce qu'on veut faire pour détruire leurs pensées? C'est de ramener les preuves du Coran et de la Sunna et les paroles des salafs pour clarifier justement que ces gens-là sont dans l'erreur. Parce que, qu'est-ce qui est la preuve? C'est pas ce que je dis moi, et c'est pas ce que eux disent non plus. La preuve, c'est qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et dans la parole des ulama, des salaf, c'est-à-dire l'ijma des sahaba. Hein? Donc si eux, ils ont tous été d'accord sur une chose, quelqu'un peut pas venir par la suite puis les contredire. Donc c'est ça la preuve. Donc, c'est pas une question de quelqu'un dit oui puis l'autre dit non puis on se débat de cette manière-là jusqu'à la fin des temps. Oui, non, oui, non, oui, non. C'est pas comme ça. Pour Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. Hein, si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier. Donc on ramène les choses au Coran et à la Sunna et on tranche entre les hommes dans ces questions-là, au sujet de ces questions, et puis on regarde où est-ce qu'elle est la vérité. Et donc c'est pour ça qu'on mentionne les preuves. Le cheikh il mentionne les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a mis en garde contre ces gens-là. Et on voit leurs caractéristiques, et on voit leurs descriptions dans les hadiths, c'est clair. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans une autre narration, qui est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim, et ça, ce sont la plupart de ces hadiths-là qui parlent des Khawarij sont de la plus haute authenticité. C'est des hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Hein? Personne peut douter de l'authenticité de ces paroles. Donc, il a dit, et si je les avais rencontrés, je les aurais combattus et je les aurais exécutés comme le peuple de Had. Le peuple de Had, le cheikh, il dit, le peuple de Had, c'est un peuple bien connu. auquel Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé un prophète qui s'appelle Hud. Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé le prophète Hud à ce peuple-là, au peuple de Ad. Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il veut dire que étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala avait exterminé le peuple de Ad, il les avait fait périr d'une manière incroyable, impitoyable, sévère, hein. Donc, à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, moi j'aurais fait la même chose, mais avec les Khawarij. Et il mentionne le cheikh des exemples de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné au châtiment, comme châtiment au peuple de Ad. Dans le verset, dans Surat Al-Qamar, le verset 20. Bon, on va lire le verset, les versets qui précèdent aussi pour bien comprendre. Inna arsalna alayhim, ok. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et les Ad ont traité de menteurs leurs messagers. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial en un jour néfaste et interminable. Ils arrachaient les gens comme des souches de palmiers déracinées. Ok? Donc, le cheikh Al-Fawzan, il explique, Tanzi'un Nas, c'est-à-dire, c'est un vent qui était tellement fort, il arrachait les gens dans le sens qu'il les amenait très haut dans le ciel, comme une tornade, Yanni. Hein? Il prend les gens, puis il les amène très haut dans le ciel, comme ça, et puis après, il les fait retomber sur leur tête. Et donc, leur tête, leur cou rentre à l'intérieur, et ils tombent par terre comme des... étant donné que c'était un peuple qui était très très grand, très fort, donc ils sont tellement grands qu'ils ont l'air comme des troncs de palmiers déracinés qui restent par terre. Donc ça, c'est la description que Allah nous donne de leur châtiment dans le verset. Imaginez. Donc, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait d'eux. Hein? Donc, فالخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاع العقوبة الرادعة عليهم كعقوبة قوم عاد لشرهم وفسادهم ونشرهم الشر بسبب مذهبهم وخروجهم فهم فئة ضالة وفيها خطر على الأمة وليس الخطر على الولاة على ولاة الأمر فقط بل على الأمة عموما ولذلك يجب على ولي أمر المسلمين وعلى المسلمين معه أن يقتلوهم كفا لشرهم. Donc le cheikh il dit que les Khawarij, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de leur faire tomber sur eux ce châtiment là comme le châtiment du peuple de Ad, hein, à cause de leur mal, à cause de leur corruption, de leur désordre, et à cause du fait qu'ils propagent le mal, et à cause de leur voix, et à cause du fait qu'ils se rebellent et qu'ils sortent contre les dirigeants. Donc c'est un groupe d'égaré et ils amènent un grand danger pour la Ummah. Ils amènent un grand danger pour la Ummah. Et le danger n'est pas seulement pour les dirigeants seulement, mais c'est pour les musulmans en général. Et c'est pour cette raison-là que c'est obligatoire aux dirigeants des musulmans et aux musulmans avec lui de les combattre pour les stopper et pour faire en sorte qu'ils arrêtent de propager le mal qu'ils propagent. ولذلك قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتل منهم مقتلة عظيمة في النهروان نصره الله عليهم وخفض شوكتهم وما زال ولاة الأمور والمسلمون يقاتلونهم كلما خرج منهم طائفة وفي الحديث كلما ظهر منهم قرن قطع والحمد لله. Donc, le cheikh il dit, et c'est pour cette raison que l'Amir al-Mu'minin Ali radiallahu anhu, le quatrième parmi les Khulafa al-Rashidin, a combattu les Khawarij à son époque et il les a tués dans une grande bataille qui s'est passée qu'on appelle al-Nahrawan. Okay? Et dans cette bataille, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à Ali contre ces Khawarij que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé en passant كلاب أهل النار les chiens de l'enfer. كلاب النار وكلاب أهل النار les chiens de l'enfer ou les chiens des gens de l'enfer. Donc il a fait tomber leur force et les dirigeants des musulmans, de même que les musulmans avec lui, ont continué de les combattre chaque fois qu'un groupe d'entre eux est sorti. Chaque fois qu'un groupe d'entre eux est sorti, ils ont été combattus par les musulmans et par les dirigeants. Donc, c'est comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté selon Ibn Majah, selon Abdullah ibn Amr, il dit... il dit chaque fois qu'une corne, une de leurs cornes sort, elle est coupée. Chaque fois qu'une de leurs cornes pousse, elle est coupée. C'est dans le sens que chaque fois qu'il y en a un groupe qui sort, ils se font tuer, ils se font combattre par les musulmans, walhamdulillah. Donc ce sont un petit groupe qui sont dangereux pour les musulmans, et leur madhhab, hein, c'est qu'ils voient qu'il faut enlever l'autorité pour le dirigeant. Comme on a dit, c'est-à-dire il faut retirer notre main de l'obéissance du dirigeant. Le cheikh il dit فَهُمْ فِئَةٌ خَطِيرَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَذْهَبُهُمْ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ خَلْعَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْخُرُوجَ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ بِالسِّلَاحِ وَتَكْفِيرَ وَلِيِّ الْأَمْرِ وَتَكْفِيرَ الْمُسْلِمِينَ وَيَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَهُمْ وفي الحديث أنهم يقتلون أهل الإسلام ويذعون أهل الأوثان. هذا تاريخ الخوارج، لم يذكر أنهم قاتلوا الكفار أبدا، وإنما يقتلون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم، نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit que ce sont un groupe dangereux pour les musulmans, et leur voie c'est de retirer leurs mains de l'écoute et de l'obéissance et de sortir contre les et de se rebeller contre les dirigeants avec les armes, et de déclarer les dirigeants kuffars ainsi que les musulmans, et de rendre leur sang halal, comme c'est mentionné dans le hadith qui est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il tue les gens de l'islam et il laisse les gens qui adorent les idoles. Ils ne les combattent pas. Ils ne combattent pas les gens de Kufar, les mouchelkins, et ainsi de suite. Et on les voit maintenant dans les pays musulmans. Maintenant, ils commencent à avoir des tendances de takfir et de khawarij. Maintenant, même dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Est et de l'Ouest, ça commence à se propager même en Afrique. Hein? Et tu vois que dans ces pays-là où il y a beaucoup de bida, beaucoup de shirk, beaucoup de khurafat, des superstitions, des turuq, hein, et soufis, de l'ignorance. Tu vois, les gens là-bas, ils ont besoin de ilm, ils ont besoin d'éducation, ils ont besoin de compréhension, ils ont besoin qu'on leur montre l'islam. Eux, au lieu de se concentrer là-dessus, ils se concentrent sur le fait de faire des attentats, puis de faire des trucs de ce genre. Et le malheur là-dedans, c'est que qu'est-ce que ça va amener comme résultat? Ça va amener que les dirigeants, par la suite, vont écraser la da'wa. Et qu'ils vont fermer toutes les portes à ceux qui veulent appeler au bien. Même s'ils sont loin de ce que les khawaris sont en train de faire, ils vont mettre tout le monde dans le même panier, tout le monde dans le même sac. Depuis que quelqu'un a une apparence religieuse, au moment qu'il veut appeler à l'islam et à l'application de l'islam, ils vont mettre ces gens-là dans le même sac que le sac des khawarij et des égarés parmi les gens de bid'ah. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que toutes les portes vers le bien vont être fermées, et qu'on ne laissera pas la possibilité aux gens d'appeler au tawhid et d'appeler à la sunna et de combattre le shirk et les bid'ah qui sont propagés dans la société. Donc ça, c'est un grave problème. Malheureusement, ces gens-là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits, ils sont ahdathul asnan, sufaha'ul ahlam. C'est-à-dire, ce sont des jeunes faibles d'esprit. Ils ne réfléchissent pas. Ils n'ont pas de connaissance ni de compréhension. Ahdathul asnan, sufaha'ul ahlam. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits. Et donc, ils agissent comme des insensés, comme des écervelés, hein, comme des idiots en réalité. Et ils font beaucoup de mal à eux-mêmes et aux autres, hein, parce qu'ils ne veulent pas réfléchir, ils ne veulent pas comprendre. Et même si tu t'assois avec ces gens-là, en réalité, la vérité, par expérience, je vais vous dire la vérité, c'est que tu t'assois avec ces gens-là, et même si tu leur parles pas selon le Coran et selon la Sunna, juste avec des arguments logiques, hein, le sens, le gros bon sens, comme on dit, tu t'assois avec eux, puis tu les mets en face de la réalité, et tu vois que ce sont des soufaha ul ahlam, ce sont des faibles d'esprit. Parce que leurs paroles, ça fait aucun sens. C'est des détraqués mentaux. Franchement, c'est des malades mentaux. Leur place, en fait, ces gens-là, ils méritent d'être dans les asiles psychiatriques. Ça, c'est la vérité. Parce que c'est comme ça que c'est les idées qu'ils ont, c'est des choses. Si on les mettait devant toute la mosquée le jour de Jumu'ah, on les mettait devant tout le monde, et puis on leur demandait de dire à tout le monde qu'est-ce qu'ils pensent ouvertement, la majorité des gens de la mosquée seraient en train de les insulter et de se moquer d'eux. Parce que qu'est-ce qu'ils disent, ça ne tient pas debout, c'est insensé, c'est impossible même. C'est pas réaliste. C'est des gens qui sont des rêveurs. Ils vivent dans leur tête. Hein, ils ont une vie célébrale. Ils oublient la vie réelle dans ce monde. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Hein? أحداث الأسنان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام هذه سديجان سواء سديجان سفهاء سديجان يعني فاب دسبري يعني سفهاء الأحلام donc le prophète صلى الله عليه وسلم a donné la meilleure description de ces gens là. Après il dit هذا تاريخ الخوارج, ça c'est l'histoire des خوارج. Hein, c'est l'histoire des Khawarij. لم يذكر أنهم قاتلوا الكفار أبدا وإنما يقتلون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم نسأل الله العافية. Donc c'est des gens, leur histoire est un témoin contre eux. Le cheikh il dit ces gens-là, ça c'est leur histoire. On n'a jamais trouvé dans l'histoire que ces gens-là ont combattu les kuffars. Jamais. Ils n'ont que combattu les musulmans et ils ont uniquement rendu halal leur sang et leur bien. Donc, ça c'est leur réalité. C'est la réalité de ces gens-là. Donc, et même les kuffars, yani, même les kuffars, des fois quand on voit qu'ils ont fait des attentats dans certains pays kuffars, c'est la preuve que la raison pourquoi ils ont fait ces attentats dans les pays des koufars, c'est le résultat du fait qu'ils ont fait le takfir des dirigeants dans les pays musulmans. Parce que tout musulman sait très bien, s'il connaît le Coran et la Sunna, il sait très bien que tu ne peux pas faire le djihad sans l'ordre ou sans le commandement d'un dirigeant. Donc eux, étant donné qu'ils ont fait le takfir des dirigeants, ils ont dit on n'a plus de dirigeants maintenant. Donc ils se sont déclarés eux-mêmes les dirigeants. Et ils ont décidé qu'ils faisaient ces attentats-là. Hein? Et donc ils se sont organisés, puis ils ont fait des attentats un peu partout. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans de tuer les mu'ahadoun parmi les kuffars. De tuer les kuffars qui sont en entente de paix avec les musulmans. Donc ça, le résultat de ces attentats-là, c'est le résultat de leur takfir, en réalité. Hein? Donc ensuite le cheikh il dit, il explique maintenant un autre point, qu'est-ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit, parce que vous voyez qu'il y a des gens qui pensent que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab c'est quelqu'un qui était sur la voie des Khawarij et qui appelait à la voie des Khawarij, et là on le voit maintenant en train de réfuter les Khawarij et de mentionner les hadiths qui critiquent les Khawarij, c'est la preuve que il dénonçait les activités et les actions des Khawarij. Hein? Et beaucoup, hein? Et même, j'ai entendu cette choubha de la part de certains parmi les takfirines. Ils ont dit, mais comment ça se fait, Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a sorti contre l'Empire Ottoman. Hein? Premièrement, il n'a jamais sorti contre l'Empire Ottoman. Puisque l'Empire Ottoman n'était même pas dans la région où il vivait. l'Empire ottoman n'avait pas l'autorité dans cette région-là du monde, comme dans beaucoup d'autres régions du monde musulman également. Et lorsqu'il a donné l'allégeance aux dirigeants de la ville où il était, hein, à l'amir Ibn Saoud, eh ben, il a donné la bay'a. Donc c'était pas lui le dirigeant, c'était Mohammed Ibn Saoud, c'était lui le dirigeant, et il lui a donné l'allégeance, donc il était sous son obéissance, et le dirigeant a accepté d'appliquer les règles de la charia et d'appeler au tawhid et de défendre le cheikh dans sa da'wa. Donc ça c'est un exemple. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'est l'Empire ottoman qui a envoyé des troupes et des armées contre eux par la suite pour les combattre, et eux ils se sont défendus. Donc de prétendre qu'ils ont sorti contre l'Empire ottoman, ça c'est des mensonges, hein, puisque là où ils étaient il n'y avait pas d'autorité de l'Empire ottoman, hein. Et donc il y a beaucoup d'autres détails là-dessus, mais c'est juste pour expliquer que ces gens-là ils accusent le cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab d'être un khariji. Pourquoi? Parce qu'il a combattu des gens qui défendaient le shirk. Et ils ne font pas la distinction entre les péchés, les grands péchés, et le shirk et le kufr qui font sortir de l'islam. Le fait d'adorer les morts et d'adorer les tombes, si tu combats des gens parce qu'ils défendent le shirk, ça c'est pas l'exemple des khawarij. L'exemple des khawarij, c'est des gens qui combattent des musulmans pour des péchés qu'ils commettent. Et les péchés, on a dit, ça ne fait pas sortir de l'islam. Donc on n'a pas le droit, hein, de prendre les armes ou de tuer les musulmans, puisque ça c'est interdit dans l'islam. Mais de combattre et de s'opposer à des gens qui pratiquent le shirk et qui défendent le shirk par leurs armées, ainsi de suite, ça c'est quelque chose qui est ordonné par l'islam. Et ça ne fait pas partie de la voie des khawarij. Hein? Ensuite, le shaykh il dit, وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Il dit, et dans cela il y a l'interdiction du prophète صلى الله عليه وسلم de combattre les dirigeants de l'injustice tant qu'ils font la prière, tant qu'ils font la salat. Donc tu n'as pas le droit de combattre des dirigeants même s'ils sont des injustes, même s'ils font des péchés. Le cheikh il dit, le cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit wa fihi ay fi as-sahih, hein, wa hadha fihi, hein, wa hadha fi sahih Muslim, en particulier c'est dans sahih Muslim. Donc quand il dit wa fihi, il dit ça c'est dans le sahih, et ça c'est en particulier dans sahih Muslim. OK, et il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور يعني الأمراء العصاة الذين يجورون في الحكم ويظلمون الناس ولو كانوا فساقا فإنها لا تنخلع طاعتهم وفسقهم ضرره عليهم. أما فعل الخوارج أو أما فعل الخروج pardon أما فعل الخروج فضرره على المسلمين وهذا من ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما ولا شك أن المعصية ضرر ولكن الخروج على ولي الأمر من أجلها وشق عصا الطاعة فيه ضرر أكثر. للشيخ الزي que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sahih, il a interdit de combattre les dirigeants qui font l'injustice, c'est-à-dire les dirigeants qui font des péchés, qui sont pécheurs, c'est-à-dire ceux qui font de l'injustice dans leur gouvernance et qui oppriment les gens, même s'ils sont des foussaqs, même s'ils sont des pécheurs, on ne doit pas cesser de les obéir et dans le bien, c'est-à-dire on n'a pas cessé de les obéir dans le bien. Dans le mal on les obéit pas, mais dans le bien on est obligé de les obéir. Et leur péché ne nuit qu'à eux-mêmes, Tandis que le fait de se rebeller contre eux, le mal de cela retourne contre tous les musulmans. Et ça, ça rentre dans la règle qu'on appelle irtikab akhaf al mafsadatayn li daf'i a'lahuma. C'est-à-dire, quand tu as deux péchés ou deux choses mauvaises et que tu dois choisir entre une des deux, eh bien, tu choisis celle des deux qui est la moins grande. Tu as deux choses mauvaises et tu as le choix entre deux choses mauvaises. Eh bien, tu vas prendre celle qui est moins dangereuse par rapport à l'autre pour repousser le plus grand des deux mâles. Et il n'y a pas de doute que le péché, c'est un mal. Mais le fait de se rebeller et de sortir contre le dirigeant, hein, et que, hein, min ajliha shaqqa 'asa at-ta'a fihi darar. Donc, le fait de sortir contre les dirigeants et d'annuler l'autorité et l'obéissance pour ce dirigeant-là, ça c'est un mal qui est encore plus grand. Il dit wa fi qawlihi ma sallaw. هذا دليل على مكانة الصلاة في الإسلام وأن من ترك الصلاة فقد كفر بخلاف الذين يقولون الدين ليس هو الصلاة إن الإنسان مسلم ولو لم يصلي فالرسول صلى الله عليه وسلم منع من القتل ومنع من الخروج على ولي الأمر ما دام يصلي وإن كان عنده مخالفات ومعاصي دون الكفر فإنه يصبر عليه لما في ذلك من المصلحة العظيمة التي تربو على مفسدة معصيته في نفسه فإن معصيته ضررها قاصر عليه هو أما شق عصا الطاعة والخروج فضرره على الإسلام والمسلمين. Donc le cheikh il explique ici un point important. Il dit que dans cette parole, on voit que il dit tant qu'ils font la prière, tant qu'ils font la salat. C'est-à-dire que il y a dans ça la preuve de l'importance de la prière dans l'islam et que celui qui abandonne la prière, il a mécru. Contrairement à ceux qui disent que la religion ce n'est pas la prière. Et que un individu reste musulman même s'il ne prie pas. Donc on sait à ce sujet-là, il y a divergence entre les ulama, même entre les salaf. Donc lui, le cheikh, sa position, c'est cette position-là. Hein? Donc il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de combattre. Hein? Il dit أن الإنسان مسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم منع من القتل ومنع من الخروج على ولي الأمر ما دام يصلي. Donc il a interdit de combattre, de tuer ou de sortir, de se rebeller contre le dirigeant tant qu'il établit la salat. Tant qu'il établit la salat. Même s'il a des choses qui sont en opposition avec l'islam ou des péchés qui ne sont pas au niveau du kufr, on doit être patient avec lui et l'endurer. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a un bienfait, un grand bienfait pour ça. Hein? Un grand bienfait qui dépasse de beaucoup le méfait de son péché en lui-même, le péché qu'il fait. Hein? S'il y a un dirigeant, par exemple, et que ce dirigeant-là, il est pervers, il fait des péchés, hein? Il boit de l'alcool, il fait d'autres péchés de ce genre, ou il fait de l'injustice. Eh bien, ce mal-là et ce péché-là, c'est contre lui-même. Hein? C'est contre lui-même. Et c'est lui qui va être puni pour ce péché-là. Mais, le fait de se rebeller contre lui et de retirer notre main de son obéissance, ça amène un mal non seulement à nous-mêmes, mais à toute la société, à tous les musulmans et à l'islam. Donc ça, c'est dangereux. Et qu'est-ce que ça peut faire en plus de ça, que parfois certains parmi ces khawarij-là, des fois, ils ne réalisent pas, mais ça peut amener comme conséquence que les kuffars en profitent de ça, et les laïcs, et les démocrates et les autres parmi les ennemis de l'islam, ils en profitent pour prendre le pouvoir et retirer l'islam complètement de la société. Hein? À cause de... Donc eux, des fois, ils sont rusés, hein, c'est des shayatines. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on va faire agiter certains éléments parmi les musulmans qui sont des agitateurs. On va les faire une rébellion. Ils vont faire un coup d'État. Puis après, nous, on va en profiter de l'instabilité pour nous accaparer du pouvoir puis installer un système démocratique ou laïque ou ainsi de suite. Et ça, c'est arrivé dans plusieurs pays comme ça, hein, où les gens pensaient qu'ils allaient établir un État islamique. Et on a vu que par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est un État plus injuste que qu'est-ce qu'ils connaissaient auparavant. Hein? Allah musta'an. Ça, c'est lorsque les gens ne connaissent pas les limites de la sunna. Hein? Subhanallah, c'est grave. Et quand je me souviens, par exemple, de l'époque de l'Algérie avec le fils et tout ça, c'était la fitna incroyable. Les gens, ils supportaient le parti. C'était comme une sorte d'idéologie. Les gens supportaient le parti. Pourquoi? Parce que on critiquait le gouvernement. Toute personne qui critiquait le gouvernement, eh ben, tout de suite, il était considéré comme quelqu'un qui était un héros. Il l'élève. Et en plus, quand on le critique au nom de l'islam. Ça, c'était nouveau. Les gens n'avaient pas entendu ça auparavant dans ce pays-là ou bien dans cette génération-là. Mais les conséquences que ça a eu par la suite, lorsque étant donné que c'est des gens qui n'ont pas suivi l'exemple de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, ils ont suivi l'exemple des koufars et la démocratie, eh bien, on a vu les répercussions. Et après, qu'est-ce que ça a eu maintenant comme effet ou comme impact de négatif contre l'islam et contre la da'wa et contre la sunna, l'application de la sunna? Et après, qu'est-ce qui est arrivé comme conséquence par la suite? Eh ben, on voit maintenant la société, il y a beaucoup de choses qui sont pas correctes. Mais alhamdoulilah, maintenant, alhamdoulilah, il y a quand même des shuyukh et des ulama qui, en Algérie maintenant, font de la da'wa, ils éduquent les gens, ils leur expliquent l'islam, hein. Donc, il y a du bien quand même maintenant qui revient petit à petit. Mais les Ikhwan et ces gens-là, ils ont fait leur ravage et ils ont fait du tort à plusieurs générations dans ce pays-là, malheureusement. Donc le cheikh, il termine le chapitre ou le point en disant « Wal hadith asluhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum » وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله ألا ننابذهم قال لا ما أقام فيكم الصلاة. Donc le hadith au complet qui parle justement de cette question, c'est le hadith suivant dans lequel, qui est rapporté par un muslim, selon Awf ibn Malik, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le meilleur de vos dirigeants, c'est ceux que vous aimez et qui vous aiment, et que vous faites des prières pour eux et ils font des prières pour vous. Et le pire de vos dirigeants, ce sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, et que vous maudissez et qu'ils vous maudissent. Et on a dit, ô messager d'Allah, n'est-ce pas qu'on devrait les combattre à ce moment-là? Et il a dit, non, tant qu'ils ont établi la prière parmi vous. Donc ça, c'est la preuve, hein, à ce sujet-là. Et donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et puis, on continuera donc le prochain cours, bi'ivnillah, la suite de ces explications-là. Mais juste pour expliquer un point, en fait, c'est que on voit ici que la bid'a est beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus mauvaise que le péché dans ces exemples-là qu'on a lus, puisque les khawarij, tout ce qu'ils font, contrairement aux gens qui font des péchés, c'est qu'ils le font, eux, au nom de la religion et au nom de l'islam. Et ils font croire aux gens que que ce qu'ils font, c'est quelque chose que Allah aime. Et ça, c'est très très grave et c'est très dangereux. Et c'est pour ça que ils ont cette menace sévère. Tandis qu'un musulman qui fait un péché ordinaire, il est puni et puis c'est fini. Mais on voit que pour les Khawarij, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas mentionné ça seulement comme ça. Et il a mentionné beaucoup de menaces et beaucoup d'exemples, justement pour faire comprendre que la bid'a est beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus grave que le péché. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته